Ce soir, nous abordons un sujet qui est d'actualité depuis des siècles. La dualité ou la guerre des sexes. Pourquoi guerre? Évidemment, c'est un sujet qui soulève souvent bien des passions d'âme, car l'évolution d'un couple, l'évolution d'une intimité peut exiger dans bien des occasions des ajustements entre l'homme et la femme. Et ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous donner une certaine sorte d'atmosphère d'objectivité sur les influences et les relations que hommes et femmes peuvent avoir dans leur intimité. Et aussi, évidemment, dans les relations professionnelles dans certaines occasions. Donc, nous recevons ce soir Bernard de Montréal. Dans le sujet de ce soir, la dualité ou la guerre des sexes, le sujet veut comme faire le contour ou spécifier les rapports qu'il y a entre l'homme et la femme. Et j'imagine que quand on parle de guerre, on parle aussi d'autorité. Et à savoir comment peut se répartir ou se placer l'autorité de l'homme vis-à-vis de la femme et l'autorité de la femme vis-à-vis de l'homme. J'aimerais qu'on, dans une première question, savoir si dans un processus de polarité, dans un processus de manifestation de l'énergie, est-ce qu'il y a une autorité qui est spécifiquement à un des pôles, c'est-à-dire un pôle mâle ou un pôle féminin, ou s'il y a une autorité différente pour chacun des pôles d'énergie qui ont à se manifester? Alors, si vous parlez d'autorité dans un couple, vous venez le tuer. Vous venez le mettre à terre. Il ne doit pas y avoir d'autorité dans non. un couple. Il peut y avoir de la, il peut y avoir de la créativité, il peut y avoir de la force créative, il peut y avoir de l'intelligence, il peut y avoir un partenaire qui fonctionne, l'autre écoute, l'autre fonctionne, l'autre écoute. Voilà. Si vous parlez d'autorité, vous polarisez le pôle, puis celui qui va prendre la position de force, ça va être l'homme parce qu'il y a des muscles, parce qu'il y a le portefeuille. Mm-hmm. Si vous parlez d'autorité, vous parlez d'un couple qui n'est pas arrivé à un point où il peut, où les individus ou les partenaires sont capables de constater mutuellement l'intelligence de l'un et de l'autre. Donc, si vous parlez d'autorité dans un couple, vous parlez automatiquement d'un individu qui va être assujetti à l'autre. Comment se fait-il d'abord que l'homme, pendant des siècles, a toujours perçu comme fondamental le fait d'avoir de l'autorité ou une impression d'autorité sur la femme? Parce que pendant l'évolution, l'homme puis la femme dans un couple, ou les humains dans un couple, n'ont jamais fonctionné au niveau de leur esprit. Ils ont fonctionné au niveau de leurs égos, ils ont fonctionné au niveau de leurs attitudes, ils ont fonctionné au niveau de leur mémoire. Donc, ils n'ont jamais fonctionné au niveau de leur esprit. Et à cause de ça, le couple s'est polarisé. Qui c'est qui prend l'autorité en général? C'est l'homme. À cause d'une question strictement de force. À cause d'une, c'est une question de force, c'est une question d'histoire, c'est une question d'habitude, mais c'est une question fondamentale de manque d'intelligence créatrice. Un homme qui a de l'intelligence créatrice, puis une femme qui a de l'intelligence créatrice dans un couple, ne peuvent pas vivre dans un couple de l'autorité. Est-ce que la prédominance... Ça fait partie des lois psychologiques de l'évolution. C'est pour ça que j'ai toujours dit, le couple sur la Terre n'existe pas. On est accouplé. Mm-hmm. Les gens sont accouplés astralement. Les gens se rencontrent par expérience. Les gens vivent les hauts et les bas de leur couple à cause des vibrations de l'âme. Les gens ne vivent pas de conscience permanente dans le couple parce que l'homme n'est pas dans son intelligence créatrice. Et quand je dis l'homme, je parle de l'homme génériquement. Ça veut dire la femme aussi. Donc, on a un couple involutif. On n'a pas un couple évolutif. Dans le couple évolutif, on parle d'autorité parce que l'énergie est polarisée et c'est le plus fort qui emporte. Dans le couple évolutif, l'énergie n'est pas polarisée, donc tu n'as pas le plus fort. Moi, je suis marié depuis 20 ans. Ma femme est gros comme un pou. Moi, je suis gros comme une puce, mais j'ai une grande gueule. Puis ma femme, elle ne souffre pas de mon autorité. Il n'y en a pas d'autorité dans mon couple. Parce que si ma femme vibre à une situation ou si ma femme a une difficulté avec une situation, automatiquement, je me mets sur sa longueur d'onde. Si j'ai une difficulté avec ma situation, elle se met sur ma longueur d'onde. Donc, l'autorité dans le couple, il n'y en a pas. Il y a de l'échange perpétuel. Il y a du respect constant et permanent. Autrement dit, il y a un amour fondamental, réel, qui n'est pas astral, mais qui est mental. C'est pour ça que le couple est polarisé, parce qu'il y a de l'autorité. Les gens ne prennent pas leur place. Comment est-ce que tu veux qu'une femme qui paye 105 livres prenne sa place avec un gars de 205 livres si le gars n'a pas une certaine conscience? Elle ne pourra jamais le faire, il va l'écraser contre le mur. Il y a combien de femmes qui se font battre en société par des hommes qui sont inconscients? Puis un jour, il faut que la femme prenne sa place. Il faut que la femme prenne sa place. Bon, comment donc la femme peut-elle prendre sa place dans, je dirais presque, une situation où des siècles ont donné, je dirais, une sorte de... Ça n'a rien à faire avec les siècles. La femme, elle va prendre sa place quand, en tant qu'individu, elle va se réaliser, elle va rentrer dans son identité, puis le gars, elle va être capable de donner un ultimatum. Shit or get off the pot. Fait que tant que la femme, elle va vibrer ses grosses émotions involutives, ses grosses émotions de mémoire, ses grosses émotions d'habitude, tant que la femme, elle va demeurer petite, elle ne sera pas dans son identité. Tant qu'elle ne se placera pas, tant qu'elle ne se centrera pas, elle ne rentrera pas dans son identité, puis on va avoir, puis on va continuer à avoir les situations de couple qu'on a et qu'on entend à la radio, à la télévision, puis dans les journaux tous les jours. Est-ce qu'une femme qui entre dans son identité est capable de fonctionner avec un homme qui a encore une problématique, lui, à rentrer dans son identité? Est-ce que ça ne créera pas deux célibataires en puissance, là? Le fait de un qui craint l'autre parce qu'il sent une force. Parce qu'un être qui a de l'identité, il y a une force. On sent une force dans un être qui a de l'identité. En général, quand on parle des couples, on parle toujours du sexe fort et du sexe faible. On parle toujours de l'homme qui porte la femme. Puis c'est, en général, si on regarde universellement, c'est à la femme de rentrer à son identité. Si la femme rentre dans son identité, le gars, il va être plus à se tasser. Puis s'il se tasse pas, il va être crissé là. Quel crisse là? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Les femmes ont tellement peur de rentrer dans leur identité, de prendre leur place. Puis si la femme se conscientise, elle n'aura pas le choix, mais d'où elle le faire? Mais cette distance-là qu'elle crée, ça ne crée pas un couple. Ça ne crée pas une distance. Ça crée une position ferme, intelligente par rapport à elle-même. Et puis l'homme va négocier ça comment, lui, à ce moment-là, T'en as une, femme, toi, t'es marié. Comment tu auras le gros Ménard, le gros Daniel Ménard, le gros astrologue, le gros cerveau? Ta femme, t'en mettra pas dans un coin, Chris. Elle va te tasser. Ça, je le savais. Bon, mais c'est la même affaire. C'est la même affaire. Oui. Les femmes, pour qu'ils rentrent dans leur identité, puis si la femme ne rentre pas dans son identité, elle ne pourra jamais former un couple réel, former un couple où il y a de l'échange entre l'homme et la femme. Ça va toujours être une situation de un au-dessus de l'autre. La femme ne peut pas, éventuellement, quand elle est arrivée à un certain niveau de conscience, elle ne pourra pas faire ça. Ça va être une insulte à son intelligence. Bon, à ce moment-là, l'outil pour entrer dans l'identité homme ou femme, est-ce que c'est la communication, c'est le pouvoir financier, est-ce que c'est la maîtrise des émotions, c'est quoi? C'est la maîtrise des émotions. C'est strictement ça. Strictement ça. Tu maîtrises tes émotions dans la vie, tu maîtrises tout. Tu maîtrises la finance, tu maîtrises tout. Les émotions, c'est le calvaire de l'âme. Les émotions, c'est le subterfuge de l'âme. Les émotions, c'est la conscience animale. Je ne veux pas dire que tu vis sans émotions. Moi, j'en ai des émotions. Seulement, c'est des émotions créatives qui ne font pas perdre, qui ajoutent à ma vie. Mm-hmm. Tu peux pas avoir une vie pleine si tu es toujours dans le marasme, tu es toujours les deux pieds dans le ciment de tes émotions, ou les pieds dans la glaise de tes émotions, ou les pieds dans la merde de tes émotions. Tu peux pas vivre de même. Donc l'homme, faut qu'il en arrive, l'être humain, la femme, faut qu'on en arrive à maîtriser ses émotions, dans le sens que faut qu'on en arrive à fonctionner créativement par rapport à son être à elle. Puis pour ça, faut qu'elle prenne conscience de sa valeur, en tant qu'être, en tant que femme, en tant qu'individu, en tant qu'entité. Est-ce que si le gars n'est pas capable de prendre conscience de ça, après des années de travail puis des mois de travail, éventuellement, il faut qu'elle prenne une décision. Puis si elle n'apprend pas de décision, it's her fucking problem. Elle vivra son couple karmique pour le restant de ses jours. Puis un jour, le gars rencontrera une petite maîtresse, il y a Christ là. Anyway, ça sera son karma. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont différentes chez la femme que chez l'homme? Ben oui, ce sont des êtres différents. C'est évident que les émotions sont différentes. Seulement que l'homme a moins de troubles avec ses émotions que la femme. Parce que l'homme, c'est un être qui est très cérébral, c'est un être qui construit, c'est un être qui est dans le monde, c'est un être qui travaille de la matière. Ce qui est bien important pour un homme dans la vie, c'est sa job. Ce qui est bien important pour une femme dans la vie, c'est l'amour. Fait que t'as deux sortes de d'énergie, là. Mais ce sont deux énergies qui doivent être compatibles. Mais le problème avec la femme, c'est que la femme a été dominée dans l'amour comme l'homme a été dominé dans le job. L'homme aujourd'hui souffre au niveau du travail. Il souffre dans le job. Il n'y a pas de sécurité fondé à partir de lui-même. Il est toujours esclave des situations extérieures. Même s'il est riche, il est esclave des situations extérieures. L'homme n'est pas un être créatif. Il n'a pas la vie entre ses mains. La femme non plus n'a pas la vie entre ses mains. Puis pour avoir la vie entre ses mains, il faut complètement éliminer de sa vie intérieure les éléments qui constituent une menace à l'individualité, à l'identité de l'être. La vie dans un couple, c'est basé sur le respect mutuel. Parce que le respect, c'est une forme d'amour, mais c'est la partie mentale de l'amour. Si t'as pas de respect pour ta femme, quand même tu y mangerais les oreilles le soir, tu vas y manger les oreilles le soir parce qu'il y a une sensualité, une sexualité, mais si le jour, autour du bacon, t'es pas capable de respecter ta femme, il n'y a pas d'amour, ton amour n'est pas réel, tu peux pas aimer ta femme même quand t'es dans le lit le soir, ta femme, t'es souhaité de l'aimer tous les jours de la journée, puis ça va des deux bords. Mais si l'homme affirme au cours de sa vie qu'il se réalise dans son travail et que la femme, elle dit qu'elle se réalise à travers son affection, son amour pour la famille ou l'homme avec lequel elle vit... C'est des illusions, ça! Ça, c'est de la psychologie évolutive! Ça, c'est du bullshit qu'on est là-dedans depuis des siècles! L'homme, il va se réaliser dans son travail quand il va s'être réalisé lui-même. Le travail, ça va venir de soi. Aujourd'hui, c'est que les gens se réalisent dans le travail parce que par réflexion, ça crée au niveau de l'ego une sécurité. La femme, elle se réalise dans l'amour parce que par réflexion, ça crée au niveau de l'ego de la sécurité. Qu'est-ce qui arrive quand la job saute, quand la compagnie ferme, quand le gars paie sa finance, quand la femme avoue son gars partir comme petite maîtresse? Es-tu capable de le prendre le coup? Le gars, est-tu capable de le prendre le coup? Fait que les histoires que vous me contez, que l'homme se réalise dans son travail, que la femme se réalise dans l'amour, c'est de la bullshit! C'est de la psychologie que vous avez inventée puis surinventée pendant des siècles. Tout le monde y croit, tous les pays y croient, toutes les nations y croient. Ça fait partie de la mémoire de la race. L'homme se réalisera dans son travail quand il se réalisera lui-même. La femme se réalisera dans son amour quand elle se réalisera elle-même. Après ça, l'amour, il n'y a rien là. La job, il n'y a rien là. Là, on fonde notre vie sur la job, puis on fonde notre vie sur l'amour, puis regarde ce qu'on a. Est-ce qu'on doit se réaliser avant ou est-ce qu'on doit se donner une prise de conscience de soi avant de s'engager dans un travail ou avant de s'engager dans l'amour? Mais non, t'es pas pour attendre d'aimer, t'es pas pour attendre de travailler pour te réaliser. Tu travailleras jamais, tu t'aimeras jamais. Faut que tu... ça va en parallèle, cette affaire-là. Qu'est-ce que tu fais là, demander une question de même? Ça va en parallèle, seulement que quand tu commences à te conscientiser, à prendre conscience de son identité, mais ta relation avec la job change, ta relation avec l'amour change. Ça change. T'es pas pour attendre d'aimer, t'es pas pour attendre de travailler pour te réaliser. Ça peut prendre 10 ans à te réaliser, ça peut prendre 15 ans si tu vas faire un temps. Tu vas être célibataire, tu vas être assurance chômage. Rien. Je comprends pas que tu me poses des questions comme ça. On parle de l'évolution pour aller vers l'évolution, mais on peut commencer dans l'évolution. Mais commencez dans l'évolution, puis après ça, vous rentrez dans l'évolution. Sans ça, vous allez vivre des attitudes. Un couple intelligent, ben mort. Il n'est pas. Avez-vous soupé ce soir? C'est-tu ma vibration? C'est parce que je viens de dealer avec Haïti. Oui, oui, c'est après construire quand tu vas. Ça paraît. Ah, ouais. Continue. Mais moi, je suis un missier blanc. Fait que la condition dans laquelle un couple a à se voir dans une communication, dans une relation, étant donné que c'est deux êtres qui finalement sont dans un processus évolutif, qui s'en sortent évidemment, en tout cas, je vous ai toujours dit qu'une fois que l'homme va connaître les lois occultes de l'être, l'homme va réaliser qu'il est très astral, c'est-à-dire qu'il est très manipulé dans ses énergies. Puis que les plans subtils n'aiment pas que l'homme soit bien dans sa peau. que l'homme soit bien dans sa peau, il faut qu'il soit dans sa lumière, il faut qu'il soit dans son esprit, il faut qu'il soit dans son intelligence. L'homme a tellement d'âme, l'homme a tellement de passé d'âme que quand il s'incarne et qu'il vit une expérience, avec une femme ou vice-versa, il vit beaucoup d'âme, puis beaucoup d'âme, puis beaucoup d'âme. Mais si tu vis de l'âme dans un couple, automatiquement, tu vis un accouplement. C'est pas un couple, c'est un test, c'est de l'expérience. Puis un jour, il faut que l'homme en arrive à contrôler cette énergie-là, dompter cette énergie. J'ai dû vous donner l'exemple pour faire comprendre aux gens comment est-ce que c'est très astral, la vibration qui se meut en soi quand on a un conflit. Tu sais, quand ta femme a brûlé ta soupe, ou que ton gars arrive en retard le soir, tu sais, quand on vit une sorte de fâché contre la personne, c'est-tu dur à le casser, ça, hein? On dirait que c'est comme une barre de fer. Temporairement, si quelqu'un t'écouterait et il dirait, ben, ce gars-là, il n'aime pas sa femme ou elle n'aime pas son mari. Parce que dans ta tête, tu sacs contre elle, tu sais. La tabarnak. Elle a brûlé ma calice de soupe encore. Puis le gars, quand est-ce qu'il va m'apporter mon crisse de check? Tu sais, il y a tellement de haine qui se développe, puis après ça, on tombe dans le bed, puis tout ça rentre. Puis après ça, ça recommence encore le lendemain matin. Fait qu'on a beaucoup de difficultés à contrôler cette énergie-là, parce que cette énergie-là est astrale, elle vient des plans. Puis l'homme, tant qu'il n'est pas dans son identité, qu'il ne connaît pas ce game-là, il n'est pas capable de la contrôler. C'est pour ça que le couple n'existe pas. Quand je dis que les forces occultes de l'être c'est comme s'ils sont totalement opposés à ce que l'homme soit bien dans sa peau, à ce que l'homme soit ait un couple réellement créatif. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. L'évolution, quand je parle d'évolution, je parle d'expérience de l'âme pour toute l'humanité. Quand je parle d'évolution, je parle de l'expérience de l'esprit pour un petit peu d'humanité graduellement grandissant au cours des siècles. Donc, c'est deux ballgames différents. C'est deux ballgames différents. Tu peux pas vivre un couple pareil quand tu es dans une phase par rapport à l'autre phase. Et l'homme un jour devra comprendre les lois occultes de ça. L'homme un jour devra comprendre les lois de cette nouvelle psychologie de l'être qui sont très très profondes et qui transcendent toute la psychologie qu'on connaît aujourd'hui. À partir de ce moment-là, ben là, c'est quand à la brûle ta soupe, pis tu connais la game, puis tu sais que la mémoire a été coupée, c'est pour ça qu'elle a brûlé la soupe, tu te fâches pas contre ta femme. Fait que finalement, tu arrives à arrêter de te fâcher contre ta femme. Comment est-ce que tu peux te fâcher contre un être que tu es supposé aimer? C'est une contradiction. La raison que vous le faites, c'est parce que vous n'êtes pas capable de la contrôler, l'énergie astrale. Vous rationalisez, puis vous y trouvez toutes sortes de défauts à votre père, vous trouvez toutes sortes de défauts à votre mari, quand dans le fond, les deux veulent faire un couple, mais ils ne savent pas comment. Bon, ben, cet aspect-là, là, qui... Pour que deux individus veulent faire un couple, Créer un couple. Il n'y en a pas de couple. Il n'y en aura jamais de couple sur la planète tant que l'homme ne le créerait pas. Tu ne peux pas avoir un couple par incarnation. Tu ne peux pas avoir un couple par expérience astrale. Le couple, c'est au niveau de l'esprit. L'accouplement, c'est au niveau incarnationnel. Donc, l'homme va être obligé de créer un couple. Et pour créer un couple, il va falloir qu'il connaisse les lois de l'énergie, les lois de l'esprit. Comment ça marche, l'ego? C'est quoi l'astral? Comment ça se manifeste en nous autres, cette énergie-là? Ah, c'est évident que c'est très, très subtil, mais dans le fond, c'est très concret. Quand on donne des exemples, vous parlez de la soupe, je prends la peine de donner des exemples stupides à un public intelligent pour qu'on puisse plus facilement le comprendre. Quand on le sait tout le monde a vécu ça, il n'y en a pas un parmi vous autres qui n'a pas été en maudit contre sa femme un jour, ou contre sa blonde, ou contre son mari un jour, puis qui ne l'a pas haï comme du poisson pourri. Ça, c'est astral, c'est ça qui empêche de créer un couple. Okay. Puis quand vous aurez maîtrisé ça, vous l'aurez le couple, vous n'aurez plus de problème d'autorité dans le couple. OK, le couple veut se donner un avenir en soi. Il est quand même obligé de passer par son astralité. Chaque individu a un certain bagage d'astralité. OK, quand l'autre nous présente sa séduction ou sa réaction émotive ou sa forme quelconque d'autorité ou d'englobement financier, ces choses-là, il y a une réaction. Qu'est-ce qui doit se passer pour pouvoir créer un couple lorsque ces faits-là? Dialogue permanent, dialogue, parler, pas monologue, dialogue, parler. Le monde parle pas, le monde jase. Ils veulent avoir raison, ils ont des mots de tête de cochon, calice, puis ils méritent d'être dans la merde. Tu peux pas toujours chercher à avoir raison avec ton mari, puis chercher à avoir raison avec ta femme. Faut que tu parles avec, vois qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau, puis elle avoue ce que t'as dans le tien, puis vous échangez, puis vous faites un troisième produit, qui est une synthèse de ce que individuellement vous savez. Il faut que l'homme apprenne à communiquer. Les êtres ne communiquent pas. Puis je ne parle pas de communication de l'Université de Montréal. Je parle de parler et de savoir a priori que l'autre a quelque chose d'intelligent à dire, qui peut être conditionnel, puis que toi, que tu as quelque chose d'intelligent à dire, qui peut être conditionnel, puis vous mettez ça ensemble, vous créez un troisième produit, vous créez une synthèse. La communication, c'est une énergie, la parole, parce que là, tu tombes dans la parole, tu tombes plus dans la jasette, c'est une énergie qui te soutient, c'est une énergie qui te nourrit, c'est une énergie qui est puissante. Les êtres qui ne communiquent pas s'éloignent dans le temps. Les êtres qui communiquent dans le sens que j'appelle, éventuellement, ils deviennent un. Donc, éventuellement, le problème de tout, il n'y en a plus. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui sont capables de parler ou qui ont une capacité de parler, mais qui n'ont pas de capacité de prendre une décision avec la parole? C'est-à-dire que ces êtres-là vont parler pour essayer de solutionner quelque chose pour comme gagner du temps dans un processus. Ah, mais à ce moment-là, il n'y a pas de volonté dans la parole. C'est pas de la parole réellement. C'est dit. Pourtant, il y a beaucoup d'explications. Il y en a qui sont experts à tu sais, le blabla puis le blabla, là. Tu sais, tu ne peux pas avoir de la parole, autrement dit, tu ne peux pas canaliser ton énergie d'intelligence en parole puis pas avoir accès à de la volonté. Ça va ensemble. Tu ne peux pas être intelligent et pas avoir de la volonté. Si tu n'as pas de volonté, tu n'es pas intelligent. Si tu as de la parole, tu en as de la volonté. Si c'est un verbiage du moineau, là, tu sais, du cri-cri de moineau, mais à ce moment-là, il n'y a pas de volonté là-dedans. Vous pouvez vous parler toute votre vie, toute la vie, mais si c'est du jasage, vous ne résoudrez jamais rien parce qu'il n'y a pas de volonté là-dedans. OK. À ce moment-là, comment on peut mesurer dans la création d'un coup? Je peux te dire, une cigarette. J'ai le goût de fumer à soi. Je suis trop speedy. Non, mais ça rit. Quoi? On peut-tu avoir dans la création d'un couple une mesure de quand deux êtres se parlent, qui réussissent à se parler, parce que certains ne sont pas capables, mais on va prendre le meilleur de la situation, ils sont capables de se parler. Est-ce qu'on pourra avoir une mesure de qu'est-ce qui peut permettre de créer un couple plutôt que d'être placé dans un dialogue où ça fait simplement entretenir un statu quo? Y a-t-il quelque chose qu'on peut... Ouais, j'ai bien compris. Répétez-moi. Bon. Il y a des couples qui sont capables de se parler et qui entretiennent un statu quo. Donc, ils sont capables de finalement justifier continuellement le comportement un par rapport à l'autre et de le faire acheter par l'autre. C'est-à-dire qu'un n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais il réussit avec les années à connaître les subtilités du langage suffisamment pour justifier son attitude, son comportement, exemple son travail. En disant, si je travaille pas, tu vas crever de faim, ou l'autre va dire, c'est ça, si je m'entretiens pas dans ma séduction, ou si je ne suis pas séduisante, tu vas me le reprocher à 50 ans, ou des choses du genre. Là. Et puis les gens achètent de l'autre des comportements, leur forme d'insécurité. Est-ce qu'on pourrait dire que dans un dialogue où on crée un couple, est-ce qu'il y a une mesure pour savoir si vraiment les êtres sont en voie de création du couple avec la parole? Y a-t-il quelque chose qui nous fait voir que parler donne un résultat plutôt qu'un statu quo dans les faits? Ouais. Un couple qui parle réellement, autrement dit, un est réellement conscient de l'autre, puis il écoute ce que l'autre dit. Automatiquement, il va actualiser ce que l'autre a de besoin. Un homme, par exemple, sa femme va dire, Nounou, j'ai besoin d'une petite robe. Quand une femme a dit qu'elle a besoin d'une petite robe, Christ, elle en a besoin d'une. Quand une femme te dit, mes bas nylon sont déchirés, c'est peut-être pas important pour toi, des bas nylon. Toi, c'est ton carburateur qui te dit que c'est important. Mais si ta femme a dit qu'elle a besoin des bas nylon, elle en a besoin des bas nylon. Fait que si t'as pas l'argent, tu dis, dans deux semaines, on va en avoir, on va te l'acheter. Mais faut que tu délivres, il n'y a pas de nylon. Sans ça, un jour, ça va l'affecter, la femme, de pas avoir de pas de nylon. Ouais, mais... Bon, ça va des deux bords. Faut que ça s'écoute. Ils vont les résoudre, les problèmes, s'ils s'écoutent. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas que la femme, elle va être obligée d'acheter sa position ou acheter ses besoins, elle va expliquer au bonhomme ce qu'elle a besoin, comme lui va lui expliquer ce qu'il a besoin, puis un et l'autre va comprendre parce qu'il va avoir un respect de l'intelligence de l'autre. Un homme qui n'est pas capable, ça revient au respect de l'intelligence. Si ta femme a dit j'ai besoin du Q-Tex, soit c'est loin de toi du Q-Tex, mais si ta femme a dit t'as besoin du Q-Tex, tu devrais être conscient qu'elle a besoin du Q-Tex. Mais un gars, ça ne s'enregistre pas du Q-Tex dans sa tête. Mm-hmm. On ne l'a pas. Du Q-Tex, nous autres, c'est loin. Fait qu'imagine-toi si le gars disait, OK, nous, à la pharmacie, m'a acheté du Q-Tex. Quelle sorte de Q-Tex que tu as besoin? Elle va, Elle va trouver ça au bout, ta femme. Comme toi, quand tu demandes d'aller te chercher un tournevis, c'est loin de ta tête, un tournevis. Elle y va t'en chercher une, elle se trompe, elle t'amène des ciseaux. Mon moi, elle fait le mot. Ça fait partie de respecter l'intelligence de l'homme. Parce que le gars, en tout cas, je l'ai fait, c'est une joke, mais le gars va chercher la mauvaise couleur de cutex, puis elle va chercher les ciseaux. Fait que chacun dit à un moment donné, va le faire tout ça. OK, bon, moi, ils ont essayé. Bon, OK. Donc, c'est pas tellement dans le geste qu'on peut le mesurer, mais c'est dans la volonté de rentrer dans le monde de l'autre. La façon. C'est la volonté. Bon, OK, ça, c'est intéressant. La volonté de rentrer dans le monde de l'autre. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est. La volonté de rentrer dans le monde d'un être, c'est la volonté de regarder l'être, de regarder ses besoins, de regarder regarder ce qu'il y a de besoin pour fonctionner au maximum. Ah. Moi, je m'étais emmené à soir, là, puis j'étais bien speedé parce que là, je suis dans le sud, là, tout, là. Puis ma femme, elle dit, bon, mais je vais conduire parce que là, je suis arrivé en retard. Vous faites arriver trop vite. La police m'a arrêté. Bon. Fait que je l'ai laissé conduire parce que si je l'avais pas laissé conduire, elle aurait eu des tensions sur la route. Parce que quand je descends vite. Fait qu'automatiquement, je l'ai laissé conduire. Fait qu'elle conduit vite, mais à son rythme. Puis elle risque pas de perdre ses points, parce que moi, j'ai perdu tous mes points. Fait qu'elle, elle en masse tes points. T'sais? Fait que, pour que tu rentres dans le monde de là, pas se dire, laisse faire, tabarnak, je m'en vais à Montréal, là, je m'en vais, là, pas voir. Faut que tu te mettes à vivre. C'est ça, rentrer dans le monde de l'autre. Puis on rentre dans le monde de l'autre, on a des chances, des opportunités toute la journée de rentrer dans le monde de l'autre, puis on le sait pas. Parce qu'on a des têtes de cochon, parce qu'on a toujours. On veut toujours avoir préscience sur l'autre. On veut toujours avoir raison sur l'autre. On veut toujours imposer à l'autre. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas capable de rentrer dans le monde de l'autre. C'est ça de l'amour. À ce moment-là, créer un couple, c'est un peu comme vouloir créer l'autre, la façon où... Non! Créer un couple, ben non! Créer un couple, c'est donner la chance à l'autre de se créer. Parce qu'il a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu penses-tu que t'es si important, toi, dans la vie de ta femme, qu'elle a besoin de toi pour fonctionner? Voyons, dis-toi ça. On peut pas te donner un petit coup de pouce? Tu peux l'aider en y mettant pas les bois dans les roues. Puis elle va fonctionner. Donc, c'est deux individus qui fonctionnent. C'est deux individus qui ont du potentiel, seulement qu'il y a tellement de micmacs entre les deux que tous les deux, mutuellement, ils se boycottent. Mais est-ce que c'est deux individus qui fonctionnent tout seuls? C'est deux individus qui fonctionneraient encore peut-être mieux tout seuls que s'ils étaient à deux. Mais pourquoi ils sont à deux? Ils sont à deux parce qu'il y a bien des affaires intéressantes à deux. Il y a de la communication, il y a de l'affection, oui. Il y a de la connexion, il y a toutes sortes d'affaires à deux. Bon, ben, cette affaire-là, il y a de l'investissement à long terme, il y a de la construction. Quand t'es tout seul, t'es pas intéressé à te construire une vie dans le sens. À deux, c'est plus facile, tu te construis une vie, tu t'achètes une maison. Tu fais un jardin, tu vois pas un gars de seul faire un jardin, il va être trop de tomates pour manger. Là, une famille, ça va bien. Bon. Tu construis à deux. Est-ce que les avantages d'être à deux. Tu n'es pas tout seul, tu parles. Est-ce que ça semble une business, dans le fond? Ah, oh, ça c'est intéressant, mon cher. Un couple, c'est une business. C'est comme une compagnie. Un couple, c'est une compagnie. Un couple, c'est définitivement une compagnie, puis ta femme, elle peut être très, très bonne pour gérer ta compagnie, comme toi, tu peux être très bon pour gérer ta compagnie. Toi, tu rentres les fonds, puis elle les administre, par exemple, whatever it is. Fait qu'un couple, c'est définitivement une compagnie. Mais la problématique dans les compagnies qu'on connaît, c'est qu'il y a un président, puis un vice-président. Est-ce qu'il y a deux présidents dans un couple? Les couples de deux présidents. Deux présidents. Ouais. C'est un nouveau type de société en quelque chose. C'est un nouveau type d'entreprise. Il n'y a pas d'autorité. C'est, quand on parlait tout à l'heure... Dans un couple conscient, oui. C'est un nouveau type d'entreprise. C'est un nouveau type d'entreprise. Oui. Bon, si l'individu qui fonctionne en couple regarde ses vies d'une façon plus, je dirais, mentale, dans un sens, et qui n'est pas important pour l'autre autrement que pour le développement de l'autre, ça veut dire que c'est l'entreprise qu'ils créent ensemble qui a de l'importance. Qu'est-ce que tu essaies de dire, là? Parce que là, vous m'avez dit, c'est pas important, c'est-à-dire, on n'a pas à avoir de l'importance aux yeux de l'autre. Ben, t'en as automatiquement de l'importance aux yeux de l'autre. Oui. Mais si tu mets pas les pieds dans les roues de l'autre, il va grandir. tu vas grandir. Mais le monde, il se boycotte. Fait qu'à ce moment-là, l'importance de l'autre, elle diminue. Il y a combien de femmes qui sont intelligentes, qui sont fonctionnelles, qui pourraient faire des choses intéressantes, puis sont écrasées par leur mari? Comment tu veux que la petite femme qui paye 105 livres, elle fonctionne? OK. Mais si on prend le principe, le fait que vous dites que on n'a pas essayé d'avoir de l'importance aux yeux de l'autre, on élimine la problématique de la séduction. En d'autres termes, la femme n'a pas besoin, dans la vie, de séduire un homme. Elle a besoin de vivre avec l'homme pour développer quelque chose. Non, la séduction, ça fait partie de la femme. Ça dépend comment ce que c'est que tu veux dire par séduction. S'il y a de la séduction, il y a des femmes qui séduisent les hommes simplement pour séduire les hommes. Ça, tu peux faire ça quand tu rencontres quelqu'un. Mais quand tu es marié et tu es une femme ou tu es une blonde depuis bien longtemps, il y a toujours un certain niveau de séduction. Puis ça change avec le temps. Ça passe du purement charnel, puis éventuellement ça devient purement esthétique. Moi, ma femme, quand elle se met belle, elle s'ajoute des beaux petits pendants d'oreilles, puis c'est de la séduction. Puis l'homme, la séduction vis-à-vis de la femme, ça ressemble à quoi, là? Un homme, la femme est séduite par la personnalité de l'homme. Un homme qui a une belle personnalité, une femme n'a pas besoin d'un gars qui a une droite, puis qui a des oreilles de grec. Une femme, elle aime ça, un gars qui il se tient à ça, qu'il a de la volonté, le bonhomme, puis il travaille, puis il fonctionne, puis il a sécurité. Une femme, ça aime ça être sécurisée par un homme, ça se sent bien, ainsi de suite. Fait que c'est une forme de séduction. Quand tu ouvres ta porte là, à côté de ton char, c'est ton char, là, puis ta femme, tu l'aides à sortir, puis tu y prends main, c'est de la séduction, elle est contente, ça lui fait plaisir, c'est de la séduction. Fait que l'homme séduit la femme, c'est une autre sorte de séduction, c'est de la séduction pareil, ils séduisent mutuellement, seulement que ça devient subtil avec le temps. OK. Mais c'est parce que je cherchais dans la dynamique du couple, là, savoir si, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, disons, qui vont négliger leur femme, puis il y a beaucoup d'hommes qui vont essayer de vivre pour leur femme, puis là... C'est pas pour ta femme. Tu viens avec ta femme. Non, mais je parle dans l'évolution. Là. Ah, l'évolution, pas de même. Mais c'est ça, c'est que je cherche dans l'évolution, à savoir les deux individus, ils vivent pour quoi ensemble? Ensemble, ils vivent pour construire. La seule raison d'un couple, c'est pour construire. Et construire quoi? Construire tout ce qu'ils construisent. Faire des enfants, bâtir des maisons, s'en aller en faire, whatever it is, c'est construire. Donc, parce que quand tu construis, il y a du mouvement. Quand il y a du mouvement, il y a du plaisir. Quand il y a du plaisir, il y a un mouvement d'adrénaline. Non, mais pendant des années, les gens ont toujours voulu construire. Ah, mais c'est ça que tu fais. Tu construis, puis après ça, un jour, tu t'en vas. Mais comment ça fait qu'il y a des gens qui sont pas heureux à l'intérieur de leur construction? Comment ça fait qu'on aboutit dans des divorces ou dans des situations de séparation où les deux... Parce que le monde ne construit pas! Ben c'est ça. Là, on vient de dire que les gens construisent une maison, une vie professionnelle, un développement humain quelconque. Ils vivent des échanges. Puis on dit que c'est pas ça. Il faut construire d'autres choses. Mais en même temps, construire la maison, la famille, ces choses-là. Il n'y a pas eu de la maison. C'est construit, c'est un tout, c'est multidimensionnel. Hein. Construit. Dans la construction d'un couple, tu as de l'affection qui grandit au cours des années. Tu as des objets matériels qui s'accumulent au cours des années. Tu as des voyages que tu planifies, tu as des choses que tu fais. C'est un tout, c'est la construction. Ça fait partie du mouvement de ton esprit à travers la forme, la construction. Ça fait partie du mouvement de ton esprit à travers tes émotions, la construction. Ça fait partie du mouvement de ton esprit à travers tes pensées, la construction. C'est un tout, ça. Quand tu t'essaies avec ta femme, puis tu as une belle soirée, puis tu prends un petit verre de vin, puis tu parles pendant 4-5 heures, puis il y a eu de l'échange créatif au niveau de vos choses, c'est de la construction. Quand tu décides de peinturer la cuisine, c'est de la construction. Quand tu as eu un poste à la compagnie qui t'est monté de grade, c'est de la construction. C'est ça de la construction. Vous autres, vous voyez des trous et du rubber. La construction, c'est à différents niveaux. C'est au niveau matériel, c'est au niveau émotionnel, puis c'est au niveau de la pensée, de la construction. Donc, c'est toute la dynamique humaine de l'être. C'est toute la dynamique humaine de l'être. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une compagnie. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens, après 20 ans d'investissement dans ce building-là, en arrivent à vouloir se séparer? Parce qu'ils ont pas, ils ont construit à certains niveaux, mais ils ont oublié les autres. Tu peux pas construire physiquement puis oublier l'émotion pour oublier le mental. Tu peux pas construire avec le mental pour oublier l'émotion pour oublier le physique. Tu peux pas construire avec au niveau de l'émotion pour oublier le mental pour oublier le physique. Faut que tu fasses les trois. Donc quand vous parlez de construction, finalement, vous parlez d'une vue d'ensemble, de tout un processus de développement personnel. C'est un processus de développement personnel à trois étages. Faut que tu respectes le fait qu'un être a trois étages à développer. Donc, s'il y a séparation ou divorce, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont négligé un divorce. Ah, c'est évident. Moi, prends n'importe quel divorce. Si tu veux des paramètres d'analyse pour un divorce, quelle place ça a pété, tu vas te dire, au niveau de la construction mentale, ils n'ont rien fait. Ou au niveau de la construction émotionnelle, ils se sont détruits. Ou au niveau de la construction physique, ils se sont perdus. Il y a trois niveaux de construction. Pour que tu gardes les trois niveaux. Il y a du monde qui sont très, très riches. Donc, au niveau de la construction matérielle, il n'y a pas de problème. Regarde le niveau émotionnel, c'est tout en champ. C'est tout à terre. Faut qu'automatiquement, ça désaxe le mental. Il y a des gens qui sont dans le mental, ils parlent toute leur vie, ils font rien, fait que dans la vie, sur le plan matériel, surtout dans le mal. Faut que tu construises à trois niveaux. OK, donc le développement du couple se fait sur trois niveaux en même temps. Matériel, émotif, mental. En même temps. Si vous ne respectez pas ça, automatiquement, vous ne pouvez pas créer un couple. Vous êtes automatiquement accouplé. Automatiquement, vous êtes dans une expérience astrale, évolutive du couple. Puis quelque part dans le temps, si pour une raison ou d'une autre, le physique fléchit, tu vas perdre. Si l'émotion fléchit, tu vas perdre. Le mental fléchit, tu vas perdre. Regardez vos couples, puis ceux qui sont divorcés, vos chums que vous avez sacrés là, qui vous ont sacrés là, vous allez voir qu'un de ces trois plans-là n'a pas marché. Ça va marcher, vous serez ensemble. OK. Mais est-ce que ça doit être, je dirais, investir les trois plans en même temps? Ben pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui vont donner un coup dans le matériel, exemple, pendant X années, puis vont demander au couple de supporter, dans un sens, toute la démarche. Je pense, par exemple, à une femme et un homme qui vont développer au niveau de la carrière, mm-hmm. et puis qui disent qu'ils vont se rejoindre un jour ensemble. Ah, ça, c'est une illusion. C'est en même temps que ça se développe. Il faut que ça se développe les trois en même temps. Bon, c'est seul, la seule sorte de maison qui se construit trois plans en même temps. Bon, si on considère que c'est trois plans qui se développent en même temps, est-ce que, deuxième question, la situation d'une séparation peut être récupérable en identifiant un des plans qui n'a pas été, renforcé ou développé? Oui, c'est récupérable, mais ça prend la volonté. Okay. Ça prend des gens. Puis pour créer un couple, si une personne est consciente de pouvoir développer les trois plans en même temps avec une personne, à ce moment-là, est-ce que c'est une garantie de permanence? C'est une garantie de permanence si vous créez les trois plans en même temps, oui. Est-ce que vous auriez à dire que la guerre que les gens se livrent, c'est dans les ajustements qu'ils ont à vivre sur un des plans qui est en manque? Ça peut être un plan qui prend dessus sur l'autre. Ouais. Ouais. Puis l'âme vient s'introduire. Ah, ben l'âme, elle va tout te mettre à terre. Il n'y a rien de plus. Sournois que l'âme. C'est-tu ça que l'âme, c'est la chose qui est la moins connue, la moins comprise sur la planète Terre? L'âme? Si le monde savait, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est? Il est fort. Oui, mais l'âme, comment est-ce que l'individu... C'est de la mémoire. C'est strictement de la mémoire. C'est de la mémoire. Tu connais ça, computer? Oui. L'âme, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire de ta vie. C'est tout enregistré. Tu crèves, tu vois tout. Puis c'est enregistré les vies avant. L'âme, c'est une mémoire. Le monde fonctionne au niveau de leur mémoire. Il y a combien de gens qui vont dire, « Ah, mais moi, je suis pas capable de rentrer dans l'élévateur, j'ai peur. » C'est de l'âme. Tu veux faire une régression dans le temps, voir que quelque part dans le temps, il y a ton membre d'un rocher. L'autre, j'ai peur des chevaux. Tout dans le temps, tu fais une régression, il y a ton membre d'un cheval. Ou il s'est fait piétiner par un cheval. L'autre, il s'est fait noyer. Il a peur de l'eau. Il n'y a pas de raison qu'il ait peur de l'eau. C'est vibratoire. Ah, mais il s'est noyé. Fait que si t'es noyé d'une vie, puis tu ramènes toute ta mémoire, puis c'est subliminal, ça. Éventuellement, mais tu vis ces feedbacks-là pour que tu vois un médecin, tu vois quelqu'un pour te libérer de ça. Fait que l'âme, c'est de la mémoire. Il faut que l'homme en arrive à maîtriser cette mémoire-là. L'identifier ou la maîtriser? L'identifier puis la maîtriser. Parce que puis après ça, ben, l'esprit passe. Parce que l'esprit passe pas. C'est dur. C'est dur à vivre ton esprit quand tu as toute ton âme. Tu sais, quand on parle de l'âme trouble, l'âme troublée, là. C'est Dieu. Comment est-ce que tu vas avoir l'esprit? Comment est-ce que tu veux maintenir ton intelligence à travers cette énergie-là? C'est très difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'homme n'a pas d'identité. Donc, si une personne a une faiblesse d'âme, mais pas en mesure de communiquer avec l'autre ou avec un autre. C'est ça. C'est pour ça que je dis que les couples n'existent pas. C'est d'accouplement, puis c'est expérientiel, puis que c'est important de connaître les lois occultes de l'homme, les lois cachées en dessous de la psychologie formative qu'on a pour aller dans le très fond de l'être, connaître les lois de la pensée, les lois du mensonge mental. Puis là, tu commences à sortir de ça. L'évolution de l'homme, c'est un processus qui est très difficile, qui est très profond, qui est inexorable, il est inéluctable. L'homme n'a pas de choix. L'humanité doit évoluer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'humanité a commencé ce cycle-là. Fait que l'homme va être obligé éventuellement d'en arriver à réellement construire sa vie puis maîtriser. Une vie, il faut que ça soit maîtrisé. Tu peux pas toujours être comme un petit bateau sur l'eau. Il faut que tu aies un gouverneur. C'est toi, il faut que tu sois le maître de ta vie. Puis tant que tu n'es pas le maître de ta vie, c'est parce que tu ne comprends pas. Puis tant que tu ne comprends pas. Je vais te donner un exemple. On va prendre elle. elle est cute. Okay? Elle rentre dans un club, puis je te dis que les waiters échappent toutes leurs cabarets. OK? Bon. Elle est intelligente. Elle est sensible. Elle a de l'écoute. Heureusement qu'elle a de l'écoute. Une petite fille qui je ne sais pas quelle âge que là, c'est 21 ans. Une petite fille de son âge, là, qui s'en va dans un club avec toute la rapace. Des clubs, ben, c'est un monde de rapace. Si elle n'en arrive pas, elle, quand un waiter ou un gars ou un nègre qui s'en vient à la table, là, s'en vient dans son espace, si elle n'en arrive pas à contrôler son espace physique, parce qu'elle est délicate, elle ne veut pas faire de peine au gars, elle va se faire manger tout rond. Là, elle rencontre des petits Québécois. Là. Imagine-toi, ça s'en va sur la Côte d'Azur. Tu sais, quand tu t'en vas sur la Côte d'Azur avec des gars en smoking blanc, là. Des gars qui en ont vu des femmes, des riches, puis des pas riches, puis des belles, puis des pas belles, puis des. Tu sais, ce que vous appelez des gigolos, là. C'est des serpents, ces gars-là. T'es vous-même pas venir. Comment est-ce que tu veux qu'elle puisse en arriver un jour à pouvoir contrôler son environnement de femme pour que quand elle s'en va dans un club, elle puisse relaxer, puis qu'elle puisse contrôler son environnement, si elle a peur de la faire de la peine au gars? Je veux pas dire que tu l'envoies chier, le gars. Mais je veux dire, ton environnement, c'est contrôle. Tu veux qu'il soit à table, tu veux qu'il soit sur tes genoux, no problem. Tu veux qu'il soit perché comme un paracas sur tes épaules, no problem. Mais c'est toi qui veux qu'il soit perché sur tes épaules. Mais lui, s'il se perche sur tes épaules, puis tu veux pas le blesser, parce que t'es délicate. Un jour, tu vas en avoir un autre perché sur tes épaules. Puis un jour, tu vas en avoir un autre perché sur ta tête. Un jour, tu verras plus clair. Ils vont t'embarquer. Pourquoi? Parce que t'es belle, puis t'es cute, puis t'es féminine. Fait que les hommes sont attirés, c'est automatique. Fait qu'elle, pour qu'elle apprenne ça, pour qu'elle prenne sa place. Fait hein? Comme ça, elle peut avoir du plaisir, elle peut faire un tri. Parce que dans les clubs, dans les soirs, il y en a toutes sortes qui vont venir. Il y en a, ça vaut même pas la peine de penser qu'ils existent. Il y en a d'autres, c'est un petit peu mieux. Puis il y en a d'autres, c'est un petit peu mieux. Puis peut-être que le mieux, il est dans le coin là-bas, puis il regarde depuis longtemps, puis il la trouve tellement cute, il a tellement peur de l'avoir. Ça, c'est son problème. Comment tu veux dire? Faut contrôler notre environnement humain. Faut contrôler notre vie. Mon âme, on a été éduqués en fonction des autres, puis en fonction des autres, puis en fonction des autres. Tu ne peux pas. Je donne une conférence privée bien vite, tout ça. Tu peux pas vivre ta vie si tu ne contrôles pas ta vie. Tu ne peux pas vivre ta vie en fonction des autres. Tu vas être pour le restant de tes jours malheureux. Ta vie, tu la contrôles avec intelligence, avec politesse, avec fermeté. Tu essaies toutes les options. Mais tu ne peux pas vivre ta vie indéfiniment puis t'amener à l'avoir sous contrôle si tu n'es pas maître de ta condition mentale, émotive et matérielle. Bon, maintenant, pour contrôler sa vie, il y a des impressions qu'on reçoit dans notre vie. Il y a des gens qui nous impressionnent, il y a des événements qui nous impressionnent, il y a des objets qui nous impressionnent. Est-ce que contrôler sa vie, c'est se mettre à l'écart de ce qui nous impressionne, ou c'est de faire face à ce qui nous impressionne, ou au risque de se voir, disons, englobé par l'impression? La plus pire chose que vous pouvez faire dans la vie, c'est d'être impressionné par qui que ce soit, quoi que ce soit. Oui, ça c'est après qu'on s'en est rendu compte. Ouais. Mais avant que ça se passe. Vous en compte. Non, mais avant que ça se passe, l'individu vit des impressions. Bon, ça c'est votre problème. Ouais, moi je parle pour l'avenir. Mais je cherche une solution. Bon, mais je te le dis, tu peux pas vivre, tu peux pas être impressionné dans la vie. Si tu es impressionné par du monde, tu peux apprécier du monde. Ouais. Tu peux apprécier du monde. Tu dis, ah, cette femme-là est bien, cette homme-là est bien, cet artiste-là est bien. Cet architecte-là est bien. Mais tu ne peux pas être impressionné parce que si tu es impressionné, tu n'as pas de centre de gravité. Mais il se bâtit comment, Benoît? Quoi? Le centre de gravité. Apprends à ne pas être impressionné, puis tu vas le bâtir, ton centre de gravité. Mais tu dis apprends. Apprends. Tu rencontres du monde, il se passe des affaires. Si tu apprends à ne pas être impressionné, tu construis ton centre de gravité, tu ne peux pas te permettre d'être impressionné. Être impressionné par qui? Ouais. Il y a qui dans la vie qui est plus important que toi? Qui dans la vie est plus important que toi? Hein? Quand on le sait que c'est nous autres. Ouais, ben, appliquez les dents. Appliquez les dents. OK. Pour une personne qui ne sait pas qu'il est la personne la plus importante pour lui-même, Est-ce que c'est simplement de comprendre qu'il faut que ce soit important pour lui, puis ça s'arrête là? C'est la seule chose qui a fonctionné. À partir de ça, il va pouvoir absorber ou faire face à toutes les impressions qu'il y a sur la planète. Ben, c'est pas simple de même. Ben, c'est ça, j'essaie de voir. Que la personne commence à... Faut que la personne prenne conscience d'elle-même. Si tu prends conscience de toi-même, automatiquement, tu rentres dans ton identité. Quand tu rentres dans ton identité, automatiquement, tu commences à fonctionner à partir de tes sens. Fait que quand tu rencontres James Bond, bon ben, tu veux-tu prendre un petit café, James Bond, ou tu veux pas, t'en veux pas, mange la marde. Bon, bonjour, c'est main de main. On a dit, pis si il est fin, James Bond, dit, sure. Ouais. Mais le monde, en général, n'ont pas de centre de gravité. Fait là, c'est des paires de yeux qui regardent le monde, puis qui regardent le monde. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en admiration par rapport à du monde. Tu peux pas être en admiration par rapport au monde, dans ce sens-là. Tu peux apprécier le talent d'une personne, tu peux apprécier ce qu'une personne fait, mais de là être en admiration, automatiquement, tu diminues. Non, l'admiration, les gens, souvent, l'ont parce qu'il y a une distance entre ce qu'ils vivent et ce que l'autre a vécu. C'est pas qu'une distance, c'est qu'eux autres vivent pas. S'ils vivaient eux autres, à partir d'eux autres, si c'était, ils étaient dans leur centre de gravité, ils ne vivraient pas ça, ce genre de d'envie-là, ce genre de colle, de crazy glue-là qu'ils ont avec l'autre. Ils ne vivraient pas ça. Mm-hmm. Mais est-ce que pour vivre, comme vous le dites, là, il faut avoir beaucoup de moyens financiers, il faut avoir beaucoup de ressources énergétiques? Les moyens financiers, ça fait partie de la construction. Pour vivre, il faut prendre conscience de soi. Il faut rentrer dans son identité. Là, tu commences à vivre. Puis quand tu commences à vivre, après ça, c'est facile, la construction mentale, émotive et physique. OK. Quand on commence à vivre, c'est-tu des permissions ou des droits qu'on se donne? Quand on commence à vivre, c'est un droit qu'on se donne. Dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Puis ça, peu importe le coût. À notre niveau, selon nos besoins. Selon nos besoins ou selon... Selon nos capacités. Nos capacités. Ouais, bon, donc, on est bien avec ça. Donc, c'est une question de ressources énergétiques. C'est une question de ressources personnelles, définitivement. Puis ces ressources personnelles-là, il faut qu'elles soient débloquées. Puis pour qu'elles soient... Who's this? Hey, sweetheart. C'est-tu... C'est lui qui a sorti? C'est qui, ça? Is that... C'est une question de ressources personnelles. C'est une question de ressources personnelles. Bon, mais ces ressources personnelles que l'individu dispose, s'ils sont, je dirais, en termes d'impact sur son environnement, s'ils sont moindres qu'un autre... Les ressources personnelles ne sont jamais moindres qu'un autre. C'est une illusion comparative basée sur l'ego qui se compare à d'autres. Mais je vais te demander une question. Bon, je vais te demander une question. Toi, tu as des ressources personnelles, tu fais tes affaires, papa, moi, je suis Bernard Montréal. Oui. Tu te sens-tu intérieur à moi? Non. Bon, ben c'est ça la réponse. Un homme qui est dans ses... Un petit verre plein, c'est aussi plein qu'un grand verre plein. Mm-hmm. Fait qu'un gars qui est dans ses ressources personnelles, qui fonctionne, il fonctionne à l'intérieur de son territoire psychique, il est parfaitement bien. Oui. La petite secrétaire qui fonctionne, puis est heureuse, puis elle tape 10 mois minutes, ou 100, c'est rendu à 100 mois minutes, eh bien... Oui. Chacun est groomé pour ce qu'il y a à faire. C'est quand tu commences à comparer par rapport à l'autre que là, tu as des problèmes. Là, tu perds ton sang. Tu perds tes sangs. Tu perds ton ground. Puis on était habitués à ça. La société nous crée des héros constamment. Comme on n'a pas été, ça ne fait pas partie de la psychologie... Comme ça fait partie de la psychologie humaine créative, c'est pas enseigné dans les écoles, c'est pas enseigné par nos parents, c'est pas enseigné dans les universités, ça. Mm-hmm. De développer nos sens, automatiquement, on rentre dans le monde et on est comme des cellules en solution. On fonctionne toujours par rapport aux autres. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on développe pas notre magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? C'est la vibration du corps subtil mental. C'est la vibration du corps subtil astral, c'est les émanations du corps vital, puis tout ça enveloppé d'un corps matériel. Une personne qui est magnétique, automatiquement, mais quand elle rentre dans le monde, puis qu'elle fonctionne dans le monde, elle est reçue dans le monde. Mais il faut le développer, ce magnétisme-là. Ça demande un centre de gravité, ça demande une capacité de vivre de plus en plus par rapport à nos sens. Ça ne veut pas dire qu'on devient égocentrique. faut comprendre, faut devenir centrique. Il y a une différence entre centrique et égocentrique. Il ne faut pas tomber dans l'illusion de la fausse centricité qui est une forme d'égocentrisme. Il faut être réellement centrique. Puis quand tu es réellement centrique, tu es capable d'échanger, tu es capable de te mettre petit, tu es capable de te mettre grand selon la situation, tu es capable de facilement donner, tu es capable d'être généreux, tu es capable d'aimer. Mais il faut que tu sois centrique. Sans ça, si tu n'es pas centrique, mais là, tu vas aimer pour te sécuriser, tu vas donner pour te sécuriser, tu vas toujours faire par rapport à des besoins subtils qui font partie de ton introversion, qui font partie de ton incapacité, qui font partie de ton manque de centrisme. L'homme doit être centrique. C'est la fondation même de l'être universel, la centricité. Mais la vraie, réelle centricité, pas la fausse centricité, que souvent des gens en évolution spirituelle développent parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de conscience pour discerner entre ce qui est intelligent en eux et ce qui est encore illusoire, spirituel, puis croche. OK. Est-ce que cette centricité donnerait un individu qui est capable de jouer avec toutes les impressions que la consommation ou la société fournit à l'ultime des situations? Là, ça dépend de son esprit. Un être qui est très centrique, oui. Un être qui est très centrique en arriverait à pouvoir dealer avec, manipuler n'importe quelle impression que la société peut y envoyer. Ouais. Parce que justement, il est centrique. Être centrique, c'est vivre un alignement entre ton esprit, ton âme et ton ego. Ton esprit n'est pas impressionnable. Ton âme est impressionnante, mais ton esprit n'est pas impressionnant. Fait qu'un homme qui est enligné dans son esprit, puis ça passe à travers, puis ça arrive au niveau du plan mental de l'être, puis c'est vécu en tant que conscience égoïque fortifiée, à ce moment-là, il peut pas vivre par rapport aux impressions extérieures de façon négative ou de façon subjective, parce que son esprit est trop présent. OK. Une personne qui est en train de bâtir son centre de gravité, est-ce que c'est un avantage pour lui ou elle de faire face à tout ce qui, dans la consommation, est sujet à des fortes ou des vives impressions, d'absorber ces impressions-là et de les intégrer pour être capable de situer finalement sa centricité. Est-ce qu'en faisant face à tout ce qui, dans la consommation, autant dans le subtil que dans le matériel, en faisant face à toutes les impressions, on bâtit un centre de gravité? Oui. Ultimement, parce que si vous faites face à toute la cochonnerie qui existe dans le monde, puis vous êtes capable émotivement, puis mentalement, physiquement, délié avec ça, mais vous allez développer un centre de gravité extraordinaire. Je donne un exemple. On va prendre le monde du cinéma, le monde des films à télévision. On sait qu'il y a beaucoup de pollution à télévision, il y a beaucoup de cochonneries, surtout de choses qui viennent des États-Unis, et tout. Par contre, il y a beaucoup de bonnes choses. Puis par contre, si tu es réellement centrique, puis tu regardes des gens qui font des films, là, je parle pas des films porno, là, de la grosse cochonnerie, mais les gens qui, même là encore, tu peux regarder un film porno, puis ça va te donner une idée de ce que le monde a rendu. Fait qu'il y a toujours quelque chose à... Il y a toujours quelque chose à aller chercher dans une forme. Les gens, là, qui vont dire, ah ben ça m'intéresse pas, ou ça m'intéresse pas, ils se limitent d'expérience, puis automatiquement, ils s'empêchent éventuellement de développer des centres de gravité par rapport à des expériences qui, à cause de leur nature temporaire, pourraient les bouleverser. Puis, la vie, c'est constamment un affrontement jusqu'à temps qu'éventuellement, t'en arrives à pouvoir l'absorber, puis la contrôler. Un gars, par exemple, qui va dire, ah, ben moi, je vais pas aller à New York, parce qu'à New York, c'est trop dur. Ah, ben, tu vas manquer New York. New York, c'est une ville au bout. C'est pas Saint-Adèle, New York. C'est une ville au bout. Fait que si tu vas à New York, puis... T'es pas craintif, puis tu apprécies ce qu'une grande métropole de la mer. Tu vas trouver des choses intéressantes. C'est comme Paris, c'est comme Los Angeles. Un gars qui dit, ah ben moi, je vais pas dans le jungle, j'ai peur aux serpents. Mais tu pourras jamais goûter à des paysages exotiques. Un gars qui dit, ah ben moi, je vais pas chez McDonald's parce que c'est pas de la bonne gang. Il y a du monde qui sont toujours contre ci, puis contre ça, puis contre ci, puis contre... Il y a du monde, c'est des vrais contrats. Ils sont contre... Fait que tu regardes leur vie, mais ils ont des petites vies. Fait que tu peux pas bâtir avec ça. La planète, c'est faite pour être explorée. La vie, c'est faite pour être vécue. Le monde, c'est fait pour être rencontré. Puis c'est à nous autres de construire des centres de gravité. Puis finalement, quand t'as vu, puis t'as rencontré, puis t'as goûté à certaines impressions, à ce moment-là, tu peux dire, ah ben ça, ça m'intéresse pas, ou ça, ça m'intéresse pas. Mais si un jour, pour une raison ou une autre, tu es replongé là-dedans, mais tu vas pas casser. Mais au moins, là, tu peux dire, bon, ben ça, ça m'intéresse pas. Il y a des clubs qui m'intéressent, il y a des restaurants qui m'intéressent, il y a du monde qui m'intéresse. Là, tu peux faire ton choix. Là, tu peux être réellement sélectif. Mais tu peux pas être sélectif avant d'avoir vécu, puis d'avoir goûté, puis d'avoir touché. Il y a du monde qui sont pré-sélectifs, ils sélectionnent tout. Fait que la vie, c'est pas grand-chose pour eux autres. Puis après ça, ils regardent autour d'eux autres, ils disent, ben lui, c'est le fun, puis lui, c'est le fun, puis lui, c'est le fun, lui, il fait tout l'affaire. Je comprends. Toi, tu fais rien. Fait que la vie, pour que ce soit conquis, puis quand tu apprends à la conquérir, la vie, mais c'est là que tu développes des centres de gravité, puis l'homme a sa façon à lui de conquérir la vie, puis la femme, elle a sa façon à elle de conquérir la vie. Elle a sa façon. Chaque être humain a sa façon. Le gars qui dit, ben, bonne job, là, ben, la job, c'est à New York, puis moi, je veux pas partir de New York parce que je suis bien à Saint-Lin. Pourtant, il a compétence. Il pourrait aller là, puis se engager tout de suite. Ben, automatiquement, ben, il perd un grand réseau d'expérience. Le gars, il dit, ah ben moi, je suis Canadien français, je parle qu'une langue, moi, je viens de Val-d'Or. Ben, t'es fait. Parce que tu te coupes encore tout un marché de monde, d'impression. Tu peux pas te limiter. Puis après ça, on dit, ah ben les Américains font du feu, puis les Français font du feu, puis tout le monde fait du feu. Oui, parce que le monde, il s'ouvre au monde. Nous autres, faut qu'on s'ouvre au monde. Les Canadiens français, faut qu'on s'ouvre au monde. L'homme, universellement, faut qu'il s'ouvre au monde. Là, il va développer des centres de gravité. Après ça, là, tu commences à être bien dans ta peau. Mais tu peux pas toujours vivre en dessous de toi-même. Parce qu'on le sait quand on vit en dessous de soi. Je dis pas que ça prend pas des années pour en arriver à être dans toi, là, puis réellement, là, être dans ta mesure, puis dans ta créativité. Ça prend du temps, ça c'est correct. Mais ce qui compte, c'est que l'homme commence à le faire. Il va commencer à le faire à partir du moment où il va mettre de côté ses vieilles habitudes évolutives, puis qu'il va commencer à regarder la vie à partir de lui. Ça, c'est pour la femme, ça, c'est pour l'homme. Bon, un centre de gravité pour une femme, j'imagine que c'est traverser des impressions qui ont été dans les patterns de la femme. Il y a des femmes aujourd'hui qui veulent rentrer dans, qui ont déjà commencé depuis déjà au-delà de 100 ans, mais qui ont rentré plein fouet dans ce que les hommes considèrent être leur domaine ou leurs impressions. Est-ce que les deux mondes ou les deux univers peuvent goûter au même type d'impression, au même type de tension face aux impressions? Tu me demandes-tu si la femme devrait travailler pour faire le même job que l'homme? Non. C'est parce qu'on parle de centre de gravité. Et puis, dans une vie d'homme ou dans une vie de femme, il y a des impressions que la femme veut aller chercher, puis les hommes veulent aller chercher, qui sont dans des univers qui, dans le passé, étaient coupés l'un de l'autre. Puis aujourd'hui, ça se mélange, ça, ces éléments-là. Donne-moi l'exemple. Bon, ben, la carrière pour la femme, puis la vie à la maison pour l'homme. On voit aujourd'hui des hommes qui commencent à penser à avoir un bureau à la maison et à vivre dans une maison, à s'occuper de l'éducation de leurs enfants, ces choses-là. Alors qu'on voit des femmes qui commencent à penser en termes de carrière et qui veulent se désinvestir catégoriquement d'un rôle strict au foyer comme tel. Bon, ça, c'était des grosses impressions dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui cassent ça, ces éléments-là, avec tout ce que ça a comme conséquence dans le quotidien. Est-ce que c'est ça, développer un centre de gravité pour ces deux êtres-là? Non, ça, c'est un champ de bord. Mais c'est quand même explorer. Ça, c'est explorer une nouvelle psychologie sociale. Ouais. Ça fait partie des nouvelles modes, là, des nouveaux courants d'idées. L'homme, tu sais, c'est le monde dont je parle, le monde de l'évolution dont je parle, ça n'a rien à faire avec le monde de l'évolution. Si dans la fin de l'évolution, comme aujourd'hui, la femme rentre dans l'entreprise et le gars rentre dans la cuisine, ça fait partie de l'ajustement psychologique des deux êtres par rapport à eux-mêmes. OK. Puis il y a des conditions intérieures dans un couple où l'homme va aider plus la femme. Ça, c'est bon. C'est tout bon. Mais ça n'a rien à faire avec le développement de soi. Autrement dit, c'est pas parce qu'un gars va commencer à changer les couches qu'il va devenir homme. Puis c'est pas parce que la femme va rentrer dans un bureau qu'elle va devenir femme. Ce qui va permettre à la femme de rentrer dans son identité, puis l'homme de rentrer dans son identité, c'est de pouvoir fonctionner par rapport à leur vie personnelle dans une mesure où le mental, l'émotion vont être de plus en plus centrées. À partir de ça, si la femme veut rentrer dans le bureau, si le gars veut faire des couches, à ce moment-là, ça va être un choix qui va faire partie de leur discussion, mais qui ne va pas être basé sur un principe de transmutation de l'être.